si tu ne me trouves pas beau, t'as qu'à fermer les yeux et penser à quelque chose d'heureux, comme un concert des bancs passe en 2002. Et si on s'embrassait, tu crois pas qu'on devrait? Je voudrais t'embrasser et ne plus rien prouver. Je sais qu'on ira mieux après un simple baiser. Je sais que toi aussi tu le veux avant de m'épouser. Et si on s'embrassait, tu crois pas qu'on devrait? Je voudrais t'embrasser et ne plus rien prouver. J'aimerais que tu me manges, alors viens là mon ange. Je vais te tourner autour, je viendrai te voir amour. Si on s'embrassait, tu crois pas qu'on devrait? Je voudrais t'embrasser et ne plus rien prouver. Je t'aime toute la nuit, je t'aime et j'ai envie de toi, l'amour de ma vie, de toi, Anthony Stay.